Si je suis parti un jour, c'est pour t'oublier. Toi qui m'adorais, mais je n'ai jamais pu trouver le grand amour que j'avais tant espéré. J'ai rencontré bien des filles depuis Paris jusqu'à Mexico, et j'ai parcouru le monde, mais en vain. Voilà pourquoi je reviens. Celle que j'aimais et que je cherchais, pourtant elle était tout près. Je ne l'ai compris qu'après mon départ. Il était trop tard. Je reviens du bout du monde. Oui, c'est fini. Je rentre au pays. Donc pourquoi chercher ailleurs le paradis? Il est près de toi, chérie. Deux euros passés, mais c'était trop long. Pour toi qui m'attendais, dans ton cœur blessé, un autre garçon avait remplacé. Sur la terre et l'océan, dans la neige et le vent, triste et solitaire, je serai condamné à errer toujours. J'ai perdu mon salamandre.